Section 12 de Compilation de pensées, textes et poésies de François René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. Tableau de la nature de François René de Chateaubriand. 1. Invocation. Je voudrais célébrer, dans des vers ingénus, les plantes, leurs amours, leurs penchants inconnus. L'humble mousse attachée aux voûtes des fontaines, l'herbe qui d'un tapis couvre les vertes plaines, sur ces monts exaltés le cèdre précieux qui parfume les airs et s'approche des cieux pour offrir son encens aux dieux de la nature, le roseau qui frémit au bord d'une onde pure, le tremble au doux parler dans le feuillage frais rempli de bruits légers les antiques forêts. Et le pin qui, croissant sur des grèves sauvages, semble l'écho plaintif des mers et des orages. L'innocente nature et ses tableaux touchants, ainsi qu'à mon amour, auront part à mes chants. Fin de la section 12.